Je sais ce qu'on appelle les souffrances du peuple anglophone, du peuple du Nord-Ouest et du Et du Sud-Ouest. Sud-Ouest. Je sais ce que c'est parce que moi-même, je viens des profondeurs du peuple. Et nous qui avons lutté pour ce pays et qui nous réclamons d'une tradition de résistance pour le Cameroun et qui marchons sur le sang que nos aïeux et nos héros passés ont versé pour notre indépendance et pour l'unité du Cameroun depuis les années 1800, Bachir, jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas accepter qu'on joue avec l'unité du Cameroun. Jamais. Surtout lorsque ceux qui portent le projet, soi-disant de rêve, ceux qui se sont autoproclamés leaders, sont d'une légèreté, non seulement sur le plan de la construction même d'un projet politique, mais sur le plan de leurs parrains. Quand vous avez pour leader un ancien détourneur de fonds d'argent, des gens qui vont brader votre, ce que vous appelez votre pays là, à des entreprises multinationales, sans vous consulter, qui vont brader ça. Et que vous dites que vous êtes des gens conscients, moi ça me fait rire. Un. De deux, j'ai constamment, depuis que cette crise a commencé, pris mes distances avec ce que j'ai appelé les dérives militaires, les dérives des policiers, quand ils ont violé systématiquement les droits des populations. Vous êtes témoin, Bachir, sur vos plateaux, j'ai toujours dénoncé cela. Et je dis ceci, tous ceux qui sont morts dans cette région-là, pour cette cause, je m'incline devant eux. Je l'ai toujours dit, et je vais le répéter, parce que c'est un devoir pédagogique. Mais je dis ceci, mon cher, si vous dites qu'il y a beaucoup de morts là-bas chez vous, et mon cher ami, Team Fire, au lieu de jouer à l'émotif là, recensez ces gens, relevez leurs noms, venez même ici à Afrique Média, envoyez ici, et vous verrez, si moi, Banakani, je ne parlerai pas de ça. Vous verrez. Prenez-moi au mot. Vous verrez. Et je ne veux pas seulement me limiter à parler. Je vais vous montrer ce qu'on appelle défendre les droits de l'homme. Moi, je vais vous montrer, parce que j'ai fait ça pendant des années, dans ce domaine précis. Je vous donne un autre exemple. Il y a un monsieur qu'on appelle Paul Eric King, que nous avons soutenu ici à Afrique Média. Vous avez oublié ça, vous? Il a été victime de ce qu'on appelle violation des droits, de ses droits. Il s'est battu ici. Afrique Média l'a soutenu, y compris contre l'État du Cameroun. Il a engagé une procédure, il est allé jusqu'à l'ONU. Il a eu gain de cause. Et vous avez, est-ce que nous, on l'a insulté? Est-ce que nous, on a dit qu'on est contre lui? Nous l'avons soutenu. Et quand il a eu gain de cause, il a remercié Afrique Média. Alors, monsieur, vous là, créez une ONG là-bas chez vous. Recensez ceux qui ont été tués. Comme vous dites là, si vraiment, est-ce que vous dites vrai? Recensez-les et engagez une procédure. Au lieu de vouloir diviser le Cameroun, au lieu de répondre par de répondre mal par le mal, mon cher ami, est-ce que vous croyez que si les policiers tuent les gens, supposons qu'ils tuent, la solution c'est de les tuer? Vous allez appeler contre vous une force mieux organisée que vous et supérieure à la vôtre, mon cher ami. C'est ça qu'on doit vous enseigner, vous. Je ne suis pas de ces hommes politiques qui vous flattent parce qu'ils comptent sur vos suffrages. Je ne fais pas la politique comme ça. Je vous dis la vérité pour votre bien. Et je défends l'intérêt supérieur du pays et les vrais intérêts de ces populations. Parce que ceux qui souffrent maintenant, ce sont les qui? Ceux qui sont à l'étranger sont tranquilles. Ils ont les ONG pour les défendre. Mais le vendeur du marché de Kumba, les commerçants là, des petits commerçants de Bamenda et consorts, le Kwemboto Park, le Kumba Park, tous ces gens-là qui vivent à 1000 francs par jour, qui défend leurs droits? Qui pense à eux durant cette crise? C'est pas vous, monsieur Team Fire. Donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. On ne m'impressionne pas avec ce genre de comptabilité. Ça ne m'impressionne pas. Quand vous commencez une action politique, même si vous voulez qu'elle soit révolutionnaire, insurrectionnelle, violente, mais prenez vos, assumez vos actes. Vous n'appelez pas à l'insurrection populaire et vous commencez à crier que vraiment, oh, vraiment, l'État nous tape dessus. Non! Moi, quand nous manifestions en 90 dans les rues jusqu'en 2000, mon cher ami, quand on me tapait, je ne pleurais pas, hein. Parce que personne ne m'avait envoyé dans la rue. J'affrontais l'armée, les policiers. Moi, me connais au Cameroun. Je les affrontais, j'allais en prison. On me tapait, je rentrais avec les blessés, je ne me plaignais pas. Parce que j'avais choisi de le faire. On ne peut pas une chose, son contraire. Si vous choisissez l'action insurrectionnelle, si vous choisissez d'affronter l'État, mais monsieur, assumez. Assumez. Ceux qui vous envoient dans ce genre de choses, ils sont où? Ils sont protégés. Quand on les touche, ils ont les amis à l'ONU, comme la Kérémouna. Des gens comme ça. Ils ont les amis partout qui se lèvent pour les appeler, alors que ce sont des gens qui ont travaillé toute leur vie contre vous. Maintenant, ils disent qu'ils sont anglophones. Quand ils gagnaient les marchés de l'État, quand ils prenaient tous les milliards de l'État, ils n'étaient pas anglophones. Toute cette famille-là, tous ces gens-là maintenant qui sortent de la politique, qui sont vos leaders, ils sont où depuis? Ils découvrent la crise-là aujourd'hui? Mais allez lire mes anciens écrits, mon cher ami. Les textes qu'on a publiés il y a au moins 15 ans, 20 ans, nous parlons de ce problème. mais pas comme vous là, pas comme vous faites là, à savoir diviser le Cameroun en deux au nom d'un État ambazonien, financé et porté par des hommes d'affaires véreux, tapis aux États-Unis et ailleurs. Et je vais vous dire une chose, moi qui me fait pitié. Quand vous faites tout ça, vous, est-ce que vous savez qu'à la fin, qui perd? Parce que quand l'État est coincé, l'État est froid, mon cher ami. L'État va négocier avec ces gens. Ces gens parlent avec vous le jour, la nuit, cognent la porte des dirigeants. Pour dire que monsieur, mais de nous, nous on va les lâcher. Et quand l'État leur donne ce qu'ils veulent, ils vous lâchent, cher ami. Et c'est ce qui vous arrive, vous qui comptez sur l'ONU, qui comptez sur ces gens. Réveillez-vous, mes chers amis. Réveillez-vous. Moi, je ne suis pas là pour vous flatter. Donc, je maintiens et je dis, Cécile Kouayou et sa bande sont des bandits. Ils doivent être traités comme tels. Point. Ils ont assassiné les militaires camerounais, les forces de l'ordre. Moi, Bandakani, homme politique, je ne peux pas tolérer ça. Jamais de la vie, Bachir. Même s'ils sont défendus par Amnesty International. Deuxième chose, Bachir. Oui. Tu es défendu par qui? Par Amnesty International. Parlons d'eux. Bachir, qui peut admettre qu'une ONG voyou donne des leçons à nos États? Bachir, dites-moi, mais c'est qui Amnesty? Mais ils sortent d'où? Ils sortent d'où? C'est une ONG des défenseurs. Mais c'est quoi ça, ONG? C'est quoi cette affaire? Ils donnent des leçons aux États, à nos États. Ils défendent les droits de l'homme. Quel droit de l'homme? Qu'est-ce que c'est le droit de l'homme? Bon, amenez-moi un leader d'Amnesty International ici. Mettez-moi avec lui sur une table. Donnez-nous 1h30 de débat. S'il tient 30 minutes, je démissionne d'Afrique Média. Je viens plus ici. Je vous dis, allez les chercher, même les représentants locaux. Amenez-le aussi sur le plateau. Je parle à Mondo Vision. Hein. Amenez-le sur ce plateau qui vient parler des droits de l'homme. Vous verrez qu'ils n'en savent rien. Moi, je vais leur rappeler l'histoire. Et je vais leur rappeler comment les Occidentaux ont tué les droits de l'homme. Et que ça n'existe plus. Je vais leur rappeler le décalage qui est entre le contexte qui a enfanté les droits de l'homme et les réalités d'aujourd'hui. Je vais leur démontrer que leur action là est dépassée depuis très longtemps. Parce que dans un monde où on parle de la fin de la planète, Bachir, où il y a désormais des réfugiés climatiques par centaines de milliers, ouais, continuer à concevoir le droit de l'homme comme au 19e siècle, mais il n'y a que des villageois d'Amnesty qui font des choses comme ça. Des gens comme ça. Une question, président Bandakani. Oui. Amnesty International estime que dans votre pays, le Cameroun, si jamais on extradait sécessionnistes anglophones, sécessionnistes de l'Ambazonie, c'est mieux comme ça. Ils pourraient être, je cite, menacés de torture et s'exposer à un procès inéquitable. Alors, ma question est simple. Je ne savais pas que vous étiez aussi violent au Cameroun. Ça veut dire deux choses, Bachir. Oui. Vous allez comprendre ce que je vous dis, que vous n'avez pas à faire une ONG qui défend les droits de l'homme. Mm-hmm. Bachir, quel est le rapport entre droits de l'homme et sécession? Je ne sais pas, moi. Non, je vous pose la question. Mm-hmm. Moi, je pose des questions. Bon, d'accord, je vais essayer de vous répondre. Oui. Et il faudra que ces gens, ces voyous nous écoutent. Mmh. Où est le rapport entre droits de l'homme et sécession? Quand des gens décident de sécessionner un État, de le diviser en deux, on est encore sur le terrain des droits de l'homme? Eh bien, chérie, on est sur le terrain des droits politiques. On est sur le terrain de la politique. Mmh. Alors, Anne-Sophie doit nous dire clairement qu'elle est une ONG politique avec des objectifs politiques, à savoir contribuer au succès des multinationales qui ont pour stratégie la division des États, déjà préalablement recensés. Nous avons des cartes, Bachir. Vous avez parlé de cette organisation qui travaille auprès de l'ONU, United People Organization, oui, qui travaille auprès des Nations Unies, et qui est financée, qui est prise en charge par des multinationales, qui sont à la recherche, qui font des spéculations sur des matières premières dans les pays riches, mais faibles, multinationales, internationales. On les connaît. Ils ont pour stratégie, avec des gens comme George Soros, qui est un spéculateur, c'est-à-dire un bandit. C'est ça, c'est quoi un spéculateur? Quelqu'un qui appauvrit les autres par les spéculations. C'est quoi la spéculation? C'est la fémania. On n'a pas le temps pour expliquer ça. La spéculation, ce n'est pas l'économie, c'est la fémania. Vous le dites donc. Monsieur Soros, c'est un fémal international qu'on doit arrêter si tu n'es pas un agent de la CIA. Donc tout le monde sait ça. Donc Bachir, nous savons très bien que ces gens, les multinationales, possèdent comment? Qu'est-ce qu'ils font? Je vais vous raconter rapidement. Parce qu'il faut qu'on enseigne les Africains. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des think tanks. Vous savez, on va prendre un think tank. Un think tank, c'est qu'on paye des gens pour qu'ils vendent leur matière grise. Vous comprenez? On les paye, on finance, ils font des recherches. Et ils détournent ces recherches-là. On va venir étudier l'histoire d'une région, comme la région qu'on appelle, ce qu'ils appellent l'Ambazonie. On va étudier l'histoire de la région. On va tronquer l'histoire. On va articuler ça avec les contradictions secondaires qu'il y a dans le pays. Et on vous fabrique une histoire à vous lever, on vous bombarde le crâne. Entre-temps, on vote un budget pour acheter les médias. On les donne, on partage l'argent à certains directeurs de publication, propriétaires de médias. Et pour qu'ils passent, pour qu'ils font ce qu'on appelle le pompage médiatique sur une cause. C'est ce qu'il y a eu au Cameroun. Moi, je ne crains rien, je le dis. Et je connais les médias qui ont reçu l'argent. Et ils savent que je les connais. Donc, vous allez voir, moi, sur le plateau, le coup où on m'a invité moi seul, et on mettait 3 défenseurs anglophones. 3! Bon, je les battais toujours souvent. On mettait 3! Et finalement, on a dit que non, faut plus inviter le président Balakani ici parce que, mais il est dangereux. Ouais. Je vous dis, Bachir, je les connais. Ouais. Donc, on leur donne de l'argent et ils font une campagne. Et vous allez entendre donc un discours unique sur une cause. Comme l'histoire qu'on raconte les anglophones au Cameroun. Un mensonge. On dit qu'on les a trompés en 72. Quelqu'un tout à l'heure a demandé, mais pourquoi ils ne parlent pas de l'histoire avant 72? Ils savent! Nous, on connaît l'histoire. On connaît! Mais on fait exprès. Donc, Amnesty International donc, travaille pour ces groupes. C'est une vitrine civile qui est chargée de, ce qu'on appelle ça, de jouer sur l'émotion, l'émotionnel, de mobiliser l'émotion pour d'abord, un, justifier, convaincre l'opinion occidentale, un. C'est-à-dire, vous désignez auprès de l'opinion occidentale comme un État voyou, un État dictatorial. Vous savez qu'en Europe, dès qu'on dit qu'un État, c'est un État dictatorial, ça braque l'opinion, un. Deuxième chose, il s'agit de diviser le pays. Opposer, créer les divisions africaines au sein du pays, opposer l'État à une partie de son peuple. Donc voilà ce que Amnesty fait, Bachir. Donc là, je vous ai dit que, vous me dites, je vous demandais que, mais, quels sont les liens entre, Bachir, la sécession et les droits de l'homme? Est-ce que les droits de l'homme se font désormais en dehors de la légalité? Puisque quand Amnesty International vient dans un État, Bachir, mais qui protège Amnesty International? Qui assure la sécurité? C'est pas l'État? Et l'État le fait au nom de quoi? De la loi, Bachir. Comment l'État peut protéger une organisation comme ça? Au nom de la loi. Cette organisation s'amuse à faire la promotion de l'illégalité. Y compris du démantèlement, de la légitimité légale de l'État. Je vous dis que vous avez affaire à une ONG de mercenaires. Ce ne sont pas les droits de l'homme, Bachir. C'est pour tromper les naïfs. Donc, qui a élu ce voyou dans le ciel international pour parler au nom de l'humanité, de l'Afrique? Qui les a élus de parler, mais qui les a élus pour parler en notre nom? Mais qui défendent les droits de leur village, de leur pays? Mais toute l'humanité, moi je n'étais pas élu. Il n'y a pas eu un conclave au nom de l'humanité où on a donné un mandat à une ONG de bandits pour parler en notre nom, Bachir. Mais ils ont la conscience de qui? Mais voilà, les gens, ils se lèvent le matin et les qui parlent de ça, ils se prennent pour la conscience. Ils ont même dit qu'ils sont la conscience de l'humanité. Le magistère moral là, qu'Amnesty veut exercer, Bachir, qui les a mandatés? Je termine par ceci. Nous avons dit sur Afrique Média que nous allons que le scandale qui est arrivé à l'autre structure bandite là, qu'on appelle la CPI, avec sa procureure délinquante, cette structure qui va disparaître, Bachir. On perd le temps, on veut laver la CPI. La CPI va disparaître, nous l'avons dit. Ça va disparaître. Quand nous avons dit que okay, ce qui arrive à la CPI va arriver à l'Amnesty International, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés trafiquer leur site. Ils ont enlevé le rapport de leur site qui les compromettait en indiquant les financements qu'ils recevaient. Ils ont enlevé le rapport de quoi qui, depuis 2008-2010, ils ont enlevé ce rapport. Moi, je travaille, Bachir. Mais ils savent que ce rapport, on les a. Où on voit très bien les connivences en matière de financement entre les gens comme Soros, les multinationales et ce qui se passe en Afrique. Ils sont allés enlever dans leur site tous ces documents qui auraient pu les compromettre parce qu'ils publiaient ces rapports. Désormais, ils publient des rapports, comment il y a un nom là, avariés, où on s'arrange à enlever. A fait disparaître les connexions qu'il y a entre Amnesty International et certains milieux financiers. Donc le fait de dire aux gens, comme tout à l'heure quelqu'un disait, mon ami qui parlait tout à l'heure, que bon, ils vont dans les villes en Europe pour recruter les membres, c'est pour tromper les gens. Leur financement majeur provient de certains milieux, les multinationales, et ce sont ces multinationales qui sont derrière tous les projets de démembrement de divisions des pays africains, parrainés par des pays comme la France, les États-Unis et ce machin qu'on appelle l'ONU. Merci.